Laurence et Stéphane se sont infiltrés au festival du Polar de Villeneuve-les-Avignon afin d'interviewer dans la pénombre les amateurs d'histoires obscures et les auteurs de romans noirs. Toujours au Festival du Polar de Villeneuve-les-Avignon. Et une petite nouveauté cette année pour cette édition, c'est que les archives départementales de Vaucluse viennent présenter quelques affaires, je dirais croustillantes, des siècles passés et qui ont rapport avec les thèmes un petit peu sombres du Festival du Polar pour lequel j'interviewe Laurent. Bonjour. Bonjour. Vous êtes venu présenter quelques affaires qui étaient stockées dans les documents que vous conservez aux archives départementales. Comment s'est fait le choix de ces quatre histoires en particulier ? Alors l'idée, ça a été de présenter des affaires qui à la fois s'étalent dans le temps, puisqu'on commence de la Révolution française et on finit pour la dernière affaire en 1936. Et également, ce qui m'intéressait, c'était de présenter des thèmes différents, c'est-à-dire que nous avons un crime d'État, une maltraitance à enfants, un crime passionnel, ce qui est un classique quand même dans les faits divers, et puis également une affaire de banditisme de proxénète à Avignon. Voilà, donc toute l'idée, ça a été à la fois dans le temps et à la fois dans les thèmes différents. Et je crois me souvenir qu'il y a quelques années, vous aviez fait une exposition dans le cadre du Palais des Papes pour les archives départementales où vous exposiez des numéros peut-être un petit peu moins glorieux pour des archives littéraires. C'était des numéros de ce fameux magazine racoleur Détective. Exactement, c'est vrai, c'était une exposition qui s'appelait « Sans d'encre », elle a eu lieu en 2012, et c'était le crime en Vaucluse de la Révolution française jusqu'à l'abolition de la peine de mort, et on présentait toute une série d'affaires, sauf que c'était un peu général et passionnant, bien entendu, mais là, l'idée de ces quatre affaires, c'est d'essayer d'aller un peu plus dans le détail. On s'est plongé dans les dossiers de procédure que nous conservons aux archives départementales, et dans ces dossiers de procédure, ben, on a des scènes de crime, des rapports de médecins, etc., des interrogatoires, et on a essayé d'en tirer ce qu'il fallait pour pouvoir faire le récit de quatre affaires criminelles. Des sources très variées qui correspondent à la diversité des sources que vous conservez aux archives départementales, et à partir de ce matériau fort riche, vous en avez tiré ces quelques histoires. Alors, vous disiez que la dernière en date, celle des années 30, était liée à une affaire de proxénétisme. Je suppose que ça se passait à Avignon, dans le quartier de la Balance, non ? Je vois que vous connaissez bien le quartier chaud à cette époque d'Avignon. C'était bien le quartier de la Balance, c'est tout à fait ça. Et ça se passe en plein dans le quartier de la Balance. Ça se passe également dans la rue des Grottes, place de la Madeleine, pour ceux qui connaissent Avignon. Et dans ce quartier de la Balance, on va avoir un bandit, un proxénète corse qui va vouloir venger son cousin, François-Xavier Forny. Et il va le venger en tuant deux femmes qui sont en fait des tenancières de bordel, de maison close, comme l'on dit, ou des maisons de tolérance. Et il sera attrapé, on aura du mal à l'attraper parce qu'il connaît bien justement le quartier de la Balance lui aussi, et il le connaît sur le bout des doigts, et on va quand même arriver à l'attraper. Il sera condamné et il sera exécuté, et il sera exécuté à Avignon, alors qu'à l'époque on exécute plutôt à Carpentras. On amène la guillotine devant la prison Sainte-Anne, devant les portes de la prison Sainte-Anne, et c'est à cet endroit-là, de façon publique, qu'il sera exécuté le 14 février 1936 à 6h20 du matin. Comme quoi Aristide Bruand ou Frêle auraient pu choisir le thème de leur chanson à Avignon plutôt qu'à Paris ou ailleurs. Merci Laurent de nous avoir parlé de tout ça et à bientôt sur Osmose. Salut. Le Festival du Polar de Villeneuve-les-Avignon aura lieu prochainement les 9 et 10 novembre 2018.